أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كن نيوات سي والو اجي كوم بي جوتا بي ويسو كون غيسون نانيو ak yi ko jitu genre introduction ci walu yi nga xamantene ni question yi tourner autour de ajgi avant ngay dugg ci ponk bu jekk bi sauf que moy liñ wax sank ñaar lañ faté won ñaari question ci yoyu xamna dañ koy traiter après dooru dugg ci ponk bu jekk bi inshallah moy ne kon est-ce que aj legi buñ né waji moy condition yiñ gissone réunir na ci nit ki budé ku jigen yokuna biñ waxone moy mo andak ko armalam mo xam bayam la wala magam bu goor ndax man da doon bu jigen wala bu wala domam wala ko xamne dal ñu mel non ko armalam moy yoy bu réunir ci nit ki légui est ce da ko wara def ni mu gina gaawé moy dañ nan ko comme que réunir na lan ñu ngi ban ñu ngi réunir na ren kon yow ren da nga ajgi jotagul da nga wara jënd biye nak nga dem aji moy ne question bi kon lool la est ce que légui ku condition yeb réunir ci mom da ko wara def ni mu gina gaawé obligatoirement da ko wara def tew mi tew moy ci année bobu mu obli mu condition yeb réunir ci mom wala man na xaar ba dewen après dewen wala yoy koku dañu nan dafa am ñaari wax ñaari vision ci borom xam xam yi rahmatullah alayh moy ne ku am condition yeb réunir ci mom bu ñëkk bi wax bu ñëkk bi moy da koy def ni mu gina gaawé moy kon budé année bobu ta ajji kiwul man na fe jotagul man na fe préparer yoy yeb dañ nan ko yaw kon ci at mom nga koy def lool moy wax bu ñëkk bi benen wax bi moy dédé man na xaar légi nak wax bu ndeuk bi ñan ñoko wax wax bu ndeuk bi wa ngiru imam abu hanifa ñom ñoo wax lolu ak ngiru imam malik ak ngiru imam ahmad rahmatullah alayh ñom lolu lañu gis nenañu aj bi mom bu condition réunir ci nit ki da ko wara def ci ni mu gina gaawé benen wax bi moy da ko wara man na xaar obligation nekul obligation ci mom mu def ko nu ngina gal man na xaar mais ñom dañ ne a condition nak mu fas ci xolam ne dina ko def waxuñ ne wa man nga xaar rek après nga ne waaw nonu bayyi nonu dede dañ nan ñom dañ ci tek condition moy ne nga fas sa xol ne même bu mako deful ren fas na sama xol ne dina ko def quand même mo xam deuxième année bi wala yoy lolu nak mom la imam shafi'i wax rahmatullah alayh ak abu yusuf ndox voilà même wax shafi'i rek abu yusuf rahmatullah mom mbokku imam abu hanifa la ñoo doon and mais mom bu andul ak mom fofu ci vision bob dafa japp ne mom mok imam shafi'i rahmatullah alayh dañoo japp ne affaire bi man nga xaar legi ñu ne len may yeen li ñen wax fu ngeen ko tek moy da tamit boy def dara war nga xam fi nga tek say jeuf man mi buma ñewon condition réunir aajuma ñu ne ma yow lan mo tax aajo mané non man na xaar buñ mané lan mo tax fo lol foko tek moy dama wara am ay lay ñom ñu ne bokku na ci liñu layé ñu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ajji aj farataay aj faratal nañu ko yalla faratal nako avant ane bi nga xamantene ni ci la aje moy 10e ane bi comme niñ ko waxe won aj nekkon na farata avant bobu ta mom aji wut bu don dafa nek lo xamne farata la bu condition réunir nga gaaw def ko kon mo gisunu ci biti lo xamne ngant la won ci biti lu feñ ke ne mom amon na ngant ba tax mom mu aj 10e ane bi ta affaire bi farata lon nañ ko avant eli wonene faratalon nagn ko avant moy 9e ane bi ndax 8e ane bi moy après gaday bi ci la yonnabi sallallahu alayhi wasallam ubbe makka nga xamne makka legay julit ñofa nek même boudé yéfer yé dinañ acc ci comme niñ doon adjé mais ñu bari ci wa makk tour nañ ba l'islam nek fa 8e année bi non bi bimu ubbé makk dafa dem médina dafa déllu médina sallallahu alayhi wasallam légui bimu fa déllo 9e année bi ñew aju 9e année bi sayyidina abou bakkar abdallah ta'ala nu la désigner la délégué né ko pour mom na jité aji mom mo aji won mo jité won aji année bob 9e année ñom ñe lol day wone né kon affaire bi nékkon na farata ba ta mom 9e année bobu aju ndax ñi wax lolou amna ñu né aji dañ ko faratal ci 6e année bi am ñu né 7 am ñu né 8 am ñu né 9 mais ñom dal li gina lèr ci li ñu wax moy né li ni ñu wax ni day wone né affaire bi farata la won avant pourquoi kon yala nabi sallallahu alayhi wasallam di délégué sayyidina abou bakkar radhiyallahu anhu nako jitel aji ta mom mu ngi medina to kon lolu day wone ne kon da yala nabi sallallahu alayhi wasallam manon nako ci li feñ ci biti gisunu ben ngant bu mu am bu ko wara téré mu dem aji kon lolu day wone ne kon affaire bi man nga xaar sauf que nay fasti sa xol ne ding ko def quand même ci gattal ñom lolu lañ wax ñi ci dess ne len dedet dedet affaire bi du lolu moy comme ngiru imam malik ak ñi la waxon sank rahmatullahi ñom dañ ni non affaire bi boko mané ci condition yi bu kiwe ané bobu nga koy def ndax yalla dafa diglé né dafa walillahi 'alan nas hajjul bayt man istata'a ilay sabila yalla da tek comme lo xamné da ko tek ci loosu nit ñi ñu aj neegam bi ben yoon par at ku ko man ta diglé bu nit diglé bu la sa kilifa diglé dara digelé dara na la defal moy né yow liñ ci comprendre moy dang ko wara gawa def imagine nga né ben xalé nga né mali am jëndul ma ben ki ci supermarché bi ci souf wala yoy wala demal postel ma lettre est ce que mom da ci déglou né da ci déggé né man na tok sétan sama ki continuer ba heure bu ma neex ma dem xam nga du jëw déggé lol day japp né yow nak min ko digelé rek da ko wara def mu ngi melni tamit ko xamné ay employé ce qui len di liggéy lo né len demal né kenn ki demal andil ma courrier bi demal ci ki bi ci souf nga andil ma courrier bi est ce que lol day tekki né waji mom day comprendre ne legui man na tok xaar ba ci kanam ma après ma dor ba djel sama té comment ligueu touti ba am sama pause doora dem djel xam nga du ci déggé lol ñom nak ñu né affaire bi lol la yalla dafa diglé té bimu diglé diglé lu gaaw lañ ci djumnu mais du luñu yéxal mais dal nu man di démé moy na nga gis nga ñé liñ wax deugër na tamen quand même moy ñi ñëk wax jëlé né man na xaar mais nak li gina woor dal moy ku ko man ané biñ ko mané nga def ko ané bobu ndax ñom ñi wax né man nga xaar ñom waxuñ né non ku ko def ju ané bobu baaxul lé ñom d'accord nañ ci té baaxna mais dañ la bëgg wax nak man nga xaar pour nak génn ci wuté bi mieux vaut kon ndax bo xaaré amna yow ñetti imam yu mak yu yor ay ngir yo xamné nénañ li nga def du non kon nak té yow bo défé ñom liñu wax ñi keneen ki ne man nga xaar ba légui d'accord nak yow kon nga def dal mo gëna woor voilà ta tamit kèm xamul dundu bi kagn la lay voilà xamulo sa tay sa suba xamoo sa suba lool dal mo gëna woor nga réunir condition tay wo mieux faire moy nga def ko motax wallahu ta'ala alam dal lool mo gëna woor te mo gëna deugal moy ne dang koy def boko mané dal condition ki wé nga def ko ñu gëna gaawé légui benen bi moy menen question bi dessone moy ne waji man na lepp amna condition yi amna lepp mais sauf que ben problème la am condition yi dafa dess xam nga waxon nañ la du alal rek mais ci walu wër gu yaramam mais tamit amna dafa melni waxumako won moy tamit sécurité yone bi ci la bokku tamit moy ne yow boudé lèr na le bu may génn fi gaay di ma ray walla gaay ci yoon bi fi rek la meuna jaar te ñu fay bombarder sa su ne yow dañ nan la même boudé ki nga yow teggil nañ la ko pour année bobu ba sécurité am oui parce que ya ndax sa bakkan mo nara dem wala boudé sax alal jo xamné alal du important la mou léna né bo démé yaangi li gina ndortu sax sa xel moy dang koy perte après sa ginnaw ko dañ nan la man nga tok sam sa alal joj waxu ñu nak ben way bo xamné mom day tok sa way lutax aji wo non sama commerce yi motax tamu man fa bayi kenn ko waxu ñu ko légui kon moy né benen moy côté yaram waji man na lepp mais nak problème bi moy né yaramam dafa febar febar bo xamne yaakaruñu ci mom mu wër moy febar bo xamne yaakaruñu ci mom mu wër wala mom dafa manula supporter voyage moy manula yek ci bus manula yek ci avion manula ko supporter dewam sa xagn na ci est ce legui koku mom il est obligé mu déléguer ben way moy mu jël kenn ne ko yow adjal sama place wala dit lolou boudé kuy dundou la xam nga ko ki ñu wax ni mu ngi dundou maliki rahmatullah alayhi muy ngir bi dañ né nono lolou mom man da nek ñom dañ né lolou man da nek waaw ndax dañ né ñom ndax hadith beulé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom biñu ko laajé né ko moy bi ndaw si ndaw xon moy hadith abdullah ibn abbas bi radiyallahu ta'ala anhuma bim ñewé ndax ci dafa am ci version yi ben ci hadith bobu yaron nabi sallallahu alayhi wasallam dara waji ndax man na adjal moy bi mi laajte ndax man na adjal ki xam nga dafa amone ñaari ki yuñu gisoon ñaari hadith ben bi da lol dinañ ko gëna gis après ci waxu ñeneen ni moy ne ke ndaw si dafa ñew neul nabi sallallahu alayhi wasallam man de sama bay farataay aj da ko dab mais nak dafa magge ci at est ce man nako adjal mu nako waaw adjal ko ñom ñu ne fofu nonu ndax ñi ci ñi wax deuxième wax ji ne ñom man na nek mais ndax ñom seen biir sax jubo wuñu ci affaire bi xam nga lol gisoon nañ version bob benen bi dane yaayam ndaw si dane yaayam mais mom dafa daf ko dab farataay aj est ce man nako adjal moy version bob lañ waxone ne est ce bu sa baye amone ki gal ki det nang koy fay wala det monako wa monako kon detu yalla mo gina yey ci ñu fay ko ñom dañu japp ne par exemple version dafa am ben version bo xamne mirmi dal limi wone moy ndaw si waji kim narona adjal dundul o kañu la ko voilà ko xamne alors que ñu ci dess dañ ne non ndax affaire bi version dafa am version bo xamne dafa leer ndax dañ ne sama baye ndax lolu moy liñ wax sank sama baye dafa farata aj dako da ta manula tok manula supporter voyage bi ndax man nako adjal mu nako waw lolou doy lenn nit koku dako dab moy mu ngi dundou tek ci legui ñu ñew ci deuxième moy ne ñi ne man na nek kon bo genné ndax ñun buñuy wax bo setlo buñuy wax fi ñenti ngir yu gina siiw rek lañuy wax moy ngiru imam abu hanifa imam malik imam shafi'i ak imam ahmad rahmatullah alayhi ñom lañuy wax en général legui kon moy kon legui genn nga ngir biñu bokku ñun moy maliki rahmatullah ñom nenañu kuy dundu mom kenn duko adjal même bouré dafa nek dafa am fébar bo xamanteni ni dako ndax tamit bokku na tamit liñuy wax moy ne koku lool waruko ndax bokku na ci condition yi moy xam nga gisoon nañu ko voilà moy remplir le moy ak wërëm mayu ko kon koku kenn teggu ko wala ñom ñu ne koku ken teggu ko pourquoi ngeen bëgg mu mënal il faut mu déléguer kenen non lolu mom koku lolu moy ne teggu ko ko ken teggu ko ko ndax affaire bi dalu mom affaire bi manuko da dugg rek ci ñiko manul mais ñi ci dess neena ñom ak liñu wax ne man na nek légui ñen ñi ci ñom ne man na nek moy nga adjal ko xamanteni ni mu ngi dund moy ne pa man na nek de mo obligation la lañ wax da affaire bi du ay man na nek moy il faut leg leg ñuy comprendre c'est vrai que nima ko waxe won lerrul moy ne affaire bi est-ce que question bi li la ko xamne condition yu bay ñeen na ci mom sauf que côté yaramam manuko wala febar na febar bo xamne yaakar nañ na du wet est-ce que koku il est obligé mu déléguer kenen kon maliki nenañ mom obligé wul ndax affaire bi dako warul sax mom ndax condition yi ñu wax mom réunirul yépp ñi ñi dess nenañ man na nek mais nak ci biir ñi ne man na nek légui mu am benn question bo xamantene ni moy man na nek ñom li ñu wax dañ ne ndax yaronu sallallahu alayhi wasallam dané ndaw soso hadithul khatami ya lañ ko wax ndaw si bonjour salam alaykum ça va mom dané ko ah ça va bonjour ça va dané ko ndax yaronu sallallahu alayhi wasallam dané waxati sax ndaw si waaw kay bimu ñëwé né sama bay hein da ki da ko dané ko nga adjal légi ñom ñu kon man na nek di fofu lañ ko tek bokku na fi ñu ko tek fi gina leer ci liñ ko tek deuxième bi ñu ne légui biñ waxé lool seen biir nak mu am den question moy mais waji légui buñ jappé né man de wër mu jéki jéki wër nak fekk mom délégué na kenn bam dem adjal ko daw ren jot pronostic yeb dañu jappone né du mësa wër far nak mu mujju wër légui mom est-ce que mom il est obligé aji wa moy mu aji ndax beulé du won mom sauf que mom lañ ko défalone quand même mais est-ce qu'il est obligé ñu né ko taxawal yow bang koy def bobu mano won mais bi man nga moy wër nga est-ce que da wara dem wala dañ nan ko nono bimu défon doyna xam nga lolou da ngay gis né ngiru imam malik rahmatullah bokku ñu ndax ñom nénañu lolou man da nek ñom dakk nañ ko bu yagg légui ñi ci dess ñaar ñi moy imam abu hanifa imam shafi'i dañ ne non mom day aji wat par force wërna non day aji wat mom sauf que ñu ci imam ahmad da na le non ko du aji ndax tamit ay le yeen liko no obligation biñu tégon ci mom def nako jamono jam koy def kon lolou lako yalla tégon def na li def délégué na nit bam def ko bu ñëwé dara tu ko ci tek moy adam jeexna bu wéré sax graw yaakar naan nak wallahu aalam ñom li ñu wax nonu moy ki mu ngi wax ni mo gëna dëgër moy né ñom ndax tamit affaire bi ben affaire la moy né biñ ko koy tek mom moy le fait que ñom ñu né obligation la won mom def na li ko waro da ñom dañ ne il fallait mu am il faut mu am benen digël bo xamne da warona digël ne koku bu wéré moy fam bi la té won ba yaronu sallam moy sama baye da ko ki dafa maggé ñom ñu né a dédit buré loolu la moy dafa maggé yaronu sallam mom est-ce que amone possibilité pa bi jéki jéki nek ku tocc mana dem mais waxuko ne ko nak sa bu kiwe bu wéré wala bu ko mané supporter voyage bi na def na adjal bopam waxuko ta manon nako waxuko motax dal li gina wour moy né sauf que ñom ñoo gina deuguer le mais def li ñé def mo gina wour ñi lé wax moy né adja lool mo gina wour sauf que li mo gina deuguer ndax li gina wour ak li gina deuguer bokku la façon boko mune ça dépend wa sauf que ñe dañ la obligé ñi né non mom def na mais li gina woor dal moy def li ñaar ñay wax né day adjat mais nak li gina deuguer ay lay won moy li imam ahmad rahimahullah wax né jaruko ndax defon na lepp délégué na kenn def na li mu wara def mu defal ko jeexna légui ci gattal lolu moy li déssol légui kon génn nañu kon ci question yoy walillahul hamdu wal minna mu dess légui ñu ñëw nak ci nday mbilli gi moy ajgi de gintan ndax yiñ doon wax ni yeb da ngay gis ni ay affaire la yo xamne yaw duggo ci ajgi xam nga ki ñaan da koy man dafa war lu ko fa yobbu ak yoy moy dug demagul ko dafa tok ñukoy wax li la war avant légi nak ajgi moy légui maangi ni yi yépp paré na taxaw na maangi ni di waja dem lan la wara def lolou mo ñuy duggal ci ponk aji mais bala ponk aji moy defu aji ñaata lañ aj ndax da afé waxon na aj la ak umra ñaar mbir la aj ay defam man nañ ko dañ nan la aj def yi nekk ci aj yi nga wara def yi man nañ ko teunk ci 10 act yo xamné mom nga wara def action bi ci ñëk moy ihram ta mom lañuy gis légui moy premier pilier ci aj moy nga yéene né man damay aji mais bo yéene moy bo ñëwé ba ci miqat bi fof tu es obligé bo yéene gul ba ci miqat bi bo fa accès tu es obligé yow nga yéene buma ñëwé ba fof yéene bi moy lan waxon na la ñetti façon aj mo am miqat moy dafa am délimitation yo xamné bala nga aksi makka fi ngay duggé ci période de sacralisation bo fa accé rek yow yaagi ci bir aj gi légui moy né day bu boba bo accé fofu ba def yi ñu wara def bu dugg ci ihram bi da am luñ lay téré yo xamné man nañ ko teunk ci ñet juroom ñaar inshallah dinañ ko wax ci kanam yo xamné ku khas aksi fof ba ihram yoyu mom dañ la koy téré nga def ko comme ay parfum wu gaay yor ay déodorant nga xamné niñ també fum tangé rek ñu le pich pich yoyu dañ koy téré par exemple comme mak ya pas de on doit pas non moy né bo aksi bo wa kay mais après bo paré ci am di man nga ko def yoyu dañ ci neuw inshallah yi ñu téré mais kon ci jëfu aji moy action yi nga wara def ci aji biñ jëk moy yene yene bi après dinañ ci ñew légui buñu nekké ban période nga ko wara def ak tamit ban lieu la fofu mom bo fa accès waro ko dépasser ta yene wo soit nga yene aju kessé moy man dama yene bu ma accès ba fofu wala la tam moy bima yene aj que ne man aj rek lay def walla nga ne man damay tamaton moy damay yene umra ba pare damay yene umra buma umra moy damay yene umra buma umra ba pare après ma aj moy damay yene umra ak aj mais umra ji lay ñëk def buma umra ba pare ci umra ji ba nekkat meuna defaat yiñ ma doon téré man ko defaat après nak ma commencé dugg ci aj bi légi lol moy luma waxati sax waaw lol moy tamaton qiran moy buma yene dama nan damay yene bolé acc ak umra xam nga biñu wax deuxième bi wouté nak bi deuxième bi moy damay umra ba paré après ma yene walé acc buma ay umra ba paré légi troisième bi moy damay yene bolé umra ak acc mom lañ nane qiran moy dama len di bolé bu boba nak du jar may def umra a part aj a part non damay limay def yi ma waruna def ci umra ji ci bir aj bi lay dugalé même def yi lay don moy né buma yéné il faut ma yéné ci yenn ci yoyu légui kon lool moy def ju ñëk ji moy yéné kon moy damay yene lolou moy ne damay yene def lolou moy ne lolou moy ben bi def ju ndek bi après buma yene ma dugg bumay dugg makka te yene bi ihram bi après amna yo xamne comme sangu bi sangu set même jigen gi nga xamne day gis mbeureug wala kuy doora am dom fofu sax mom day sangu set après buma joge fofu bumay duggu makka damay duggé dafa am ben porte buñu wax kada fofu lay jaaré mom lay duggé moy entrée bi bu moy duggu tamit sop nañ ci tamit nga sangu mais boko deful tamit moy boko manul bo mat moy duggu makka bo duggé li ngay ñëk def nak moy ci kaaba gi moy deuxième ki bi moy damay dem tawaf tawaf bobu tawaf mom lañuy wax wala wër kaaba gi surki mambila toar bo ki wër bom ngay wër après bu muy wër nak damay commencer fi fi pierre noire nek arruknul ki arruknul yamani la tudd moy parti bi fete yaman ndax kaaba gi ngay ñu ne dañ ko ki parti yaman parti kele parti ndax pour délimiter rek direction yi yow parti bo ngay ki fofu nak fala pierre noire nek fofu ngay commencer ta boy aj boy wër bok boy wër sa main gauche gauche moy fété ci kaaba gi moy sa côté sa parti gauche ci sa yaram moy fété parti moy fété kaaba gi mom moy jakarlo moy pa jakarlo mom moy dem ak côté bob moy fété ci kaaba gi légui fofu lay commencé ma wër sept fois lay wër trois yu ñëk yi man nga waxu waxu mu waxu man waxu man nga ko def waxu pa daw mais waxu waxu mu tanki tafalo kat yi ci dess man nga dox bo paré da ngay dox bobu kat yi ci dess da ngay dox bo paré ci lolu moy kon def nga set nga julli ñaari rakkay tawaf ndax tawaf day and ak ñaari rakkay yu ñuy julli après bokoy julli ci maqamu ibrahim alayhi salam fang koy ki yoy yeb dinañ ci ñew ak tamit pourquoi maqamu ibrahim fan la joge la station d'abraham moy ben ki la ngay gis ci kaaba gi bo gisé imagine amna ben affaire buñ def nonu mu mel lu taxaw mi fofu dafa am fa xeer ba nek ben xeer bo xamne bo fa deme da ngay gis tanku mam ibrahim ñoci empreinte tankam ñofi nek xeer bobu lañ nane maqamu ibrahim moy fofu yalla dana ngeen wattakhidu min maqam ibrahim musallan moy na ngeen jappe na ngeen jappe ci station ibrahim bi fofu moy ci xeer bom ngeen julli way ngeen julli fa ñaare rak bu ngeen tawafé legi bo defé lolu legi li ñu ngi ci action yi ngay def moy ne da ngay gis différence bek fiñ joggé li moy acti mom li moy ajgi bo defé tawaf bi kon set yi nga julli ñaari rakka yoy après nga def nga daw entre safa ak marwa ci wette gi non dañ lañ nek ñaari montagne la yu ndaw rek ñaaru kundu yu mag yoy ñaaru montagne légui da ngay commencer safa ndax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam dañe damay commencer fi yalla commencer ndax aya bi yalla dañe inna safa wal marwa yalla bi mi wax ci alcorane subhanahu wa ta'ala dañe safa la ñëkke tuddu safa tour la rek mu ngi melni ñu ne beldon ak himalaya lol ay tour la kon safa ngay commencer nga joge safa dem ba marwa ainsi de suite nga def ko 7 fois tamit bo paré ci lolou moy kon wër nga kaaba gi yéne nga dugg nga makka wër kaaba gi dulli ñaari rakkay tawafi daw entre safa ak marwa légi ci 8e jour bi boudé ki ñew dafa fekk ndax am naño xamné dañuy ñew fekk 8e jour bi wessu ba légui ñom grawul li graw moy 9e jour bi jeex tak fekk lo fa mom moy yow sa aj baaxu ta di nga réparer aj ji ané bi di ñew wala par force di nga ko réparer de toute façon ta comme que sa aj baaxul bo ñibé sa dëkk ba nga dëkk mo xam Australie wala Sénégal yiñ la doon téré ci aj gi yépp do ko ñëmé def ba kéra ngay ñew réparer waat aj légui kon ci 8e jour bi da ngay dem Mina ngay dem Mina bo demé Mina mom lañuy wax ci 8e jour bi lañuy wax yawmu tarwiya moy 8e jour bi bo demé Mina fofu fa ngay julé tisbar ak takusan dang ko fay julé nga nek fa da ngay nek Mina ba fa gay fanan ñu ngi ci 8e jour jappal 8e jour jouru aj gu maggi moy 10e jour bi ñun ñu ngi ci 8e jour bo ñewé mina fa ngay julli tisbar ak takusan après fa ngay fanan bo fanané kon bo yéwo lan na 9e jour 9e jour moy jouru arafat bo yéwo da ngeen di julli fajar al mash'arul haram ben montagne la tamit bu tuddu non bo xamne mina la nek non mina bo fa joge mina fa ngay fanan non mash'arul haram muzdalifa la nek dama djum non dama moy bo fanane mina bo julle tisbar takusan fa ngay fanan bo fa joge fa ngeen di julli tamit fajar ba jant bi commencé djok bam djok après ngeen dem deuk ba moy arafat bu ngeen deme arafat fa ngeen di nek arafat nak fa ngeen di bo da ngeen di bolé tisbar ak takusan mu ngeen di julli dañuy fofu dañuy bolé tisbar ak takusan ba paré wañi légui wañi bi mom ndax est ce que ñun liñu concerné moy ñun deuk ñu makka ndax borom xam xam rahmatullah alayhim dañu wouté est ce que ku deuk makka wala ci côté fofu nonu dafa wara wacc wañi wala dit mais lool ñun instant bi soxaluñu liñu soxal moy wax acte yi poser acte yi ngay def kon ñu ngi ci 9e jour 8e jour mina ngay fanan fa ngay julle tisbar ak takusan fa ngay fanan après bo fa joggé ci 9e jour bi bu jant bi joggé nga ñew arafat bo nekké arafat fa ngay julle ci mosquée bu ñuy wax masjidu namira ben mosquée la bu tuddu nonu comme rek mané mosquée rahma légi fa ngay julé ki jité ak gi mo len di jilé après mom day julli tisbar tek ci takusan dang len di bolé ba paré wañi après fa ngay di nek nak ba après bu guddi gi joté après timis bu timis gi duggé nonu du ngeen julli timis fofu non da ngeen di dem Muzdalifa moy da ngay joge fofu ba leg yaang ci 9e jour bi kon yaangi ci goudi 10e jour bi moy jour gi nane tabaski ci Senegal wolof yi 9e jour bi non ci goudi gi ci ngeen di dem Muzdalifa moy bu timis gi kiwe joté bu timis gi kiwe du ngeen julli da ngeen di dem Muzdalifa bu ngeen deme ba Muzdalifa fofu fekk na gey jot bu gey bi joté wala ngeen taxi da yeen di bu ngeen di bolé julli fofu timis ak gey ci heureu gey bi ngeen di julli timis ak gey ta bo paré nafilé do ko def moy nafilé yi nga don def sa kër bi nga nekké fi yo jaruko nafilé yu bari li ki ak tamit comme ay tisbar bo julli tisbar di julli ñaari rak avant ak ki yo jaruko légui bu ngeen kiwé moy Muzdalifa ci goudi gi fa ngeen di fanan ngen dulli timis ak ge ngen bolé après ngen nelaw ba fajar bu fajar joté ngen dem fi mala waxone sank ngen dulli mash'arul haram ben montagne la bu tuddu nonu ngen dulli fajar bu ngen dulle fajar après fa ngen di tok di ñaan sen soxla di def ay ñaan ak yene ñaan li len neex après budé ragal nga ne buma ndax jour bobu moy kon ñu ngi ci 10e jour moy jouru al hajjul akbar lako yalla tuddé moy aj gu maggi moy jour bobu moy jouru tabaski bi li wolof nan 10e jour bi jour bobu bu dé ragal nga ne buma joggé ma ngi ni Muzdalifa ndax al mash'arul haram ci Muzdalifa la bokku lool mo gina wër ci li borom xam xam yi rahmatullah alayhi wa buma fa joggé ma xamné pour for ay xéer ndax il faut ma sanni jamra yi buma joge fofu ba mina lay dem pour sanni jamra yi legui budé dama ragal né man buma fi naré dem ba mina di for ay xéer fofu duma ko man wala bousculade yi lay bari dañ nan la foral say xéer Muzdalifa nga tiyé set xéer bu ngén démé ngén joge fofu ngén dem mina bu naaj bi génn ngén dem bu ngén démé ngén commencé mé na xéer yi do jël xéer yeb rek xep ko nonu def ko sa loxo xéer yi nonu set xéer yi rek sanni nonu dem sa yoon non lool mom ku ko def moy yaw defo liñ la wax moy ne yaw du nonu ta sanni bobu nonu farata la ramyul jamratul aqaba bo moy san bi nga xamne farata la moy dang koy tiyé comme ni sa ñaan entre pouce ak nu mu tuddu benen bi sax pouce ak lande sax index voilà non nga koy tiyé xeer yu ndaw lay doon ngay san ni ngay da nga nan ngay kabar allahu akbar ki yoyu après nga san ni lolou tamit dinañ wax fan la joyé ndax ajgi yu liñuy def yeb c'est symbolique ak fan la joge moy bax na xam inshallah legi nga sanni set yi bu ngeen paré fofu bu nga ku yor lo xamne wala ko xamne da wara ray gat mom man na ray fofu après man na watu moy watu bi ndax watu wala mu wañi watu wala wañi jigen mom day wañi du mom du watu goor nak bu ko nexé mu wañi mais watu mo gën waaw mom il faut mu def ko même jigen waaw jigen day wañi moy né day wañi ci karaw touti waaw pas mom day wañi touti mais goor mom soit day watu ba karaw gëb de wala mu wañi comme mudjé boudé légui ak tondeuse yi nga wañi ki régler ko no xamné sa karaw yeb du dem mais da ngay wañi légui bu ngeen joggé fofu nga wara dem feulé ci kaaba gi nak moy xam nga bi ngay ñew sank biñu waxon sank dañ né bo joggé bo duggé makka da ngay wër bobu lañ nane tawaful qudum moy boy aksi tawaf bi nga xam dang koy def ngir nuyu ziar kaaba gi ndax bo aksé kaaba gi xam nga jakk bo ci duggé dañ nan da ngay julli ñaari rak bala nga tok loolu la nabi sallallahu alayhi wasallam wax ku duggu ci jakk na nga ruko ñaari ruko moy na nga julli ñaari rak bala nga tok kaaba gi nak ñaari rakam yiñ koy defal moy wër bi motax bo aksé mom da ngay def bobu mais bobu du farata bi farata bi moy bu 10e jour bi nga xamne da ngay joge mina ginaaw bi nga sanne jam ray ray sa gatte après nga watu fofu nak bo fa joge da ngay dem fele kaaba gi ngay dem fele nit ñepp di dem motax muy bari nit ndax mbir mi moy ne farata la motax jam ray tamit nga gis leg leg mo am ay bousculade yu met ndax tamit farata la legi bo accé fofu nga ñew makka li nga liñu ko liñu la décrire lon bu ñëkk bi non ngay def moy ruknul yamani ngay commencer moy fi pierre noire nek fofu ngay commencer wan jakka ji ki kaaba gi ce parti gauche ci sa yaram sa loxo droit gauche moy fété kaaba gi sa côté droit mom moy fété ne le li dess ci jakka ji légui nga wër comme niñ la waxé won sank légi même trois yoyu ngay jëk yi nga xamné da ngay waxu bu gaaw melni kuy daw mais du daw kat yi nga dox lool tamit inshallah dina ñew lan motax ñu def lool kon bo défé lool après nga julli ñaari rakka moy comme liñ waxon sank rek ci beulé maqam ibrahim bo fa joggé alayhi wa ala nabina sallallahu alayhi wa sallam bo fa joggé nga dem def safa ak marwa moy na ga daw safa ak marwa bobu non farata la bokku na tamit ci farata yi moy ci ruk moy pilier yi manan pilier yi ci pilier yi la bokku ndax farata ak pilier sax presque ben lañu mais dafa am après lolu nane obligation yoy tamit dinañ ci ñew legui bo defé safa ak marwa ñu ngi ci 10e jour bi moy jouru ajgi rek mom lañ nane tabaski bo defé lolu après moy yow légui lan mo la déssé moy na yow ajgi presque yow len na dess moy après da ngeen di dem mina xam nga mina kon lu bari nga fay dem bo sétlo 8e jour bi mom lañ la waxone fa ngay julé tisbarak takusan fa ngay fanan 8e jour après bu ngeen julé fajar hein 8e jour bi ngeen dem arafat fa ngeen du joge di dem arafat bu ngeen joge arafat da ngeen di fanane musdalifa bu ngeen fanane musdalifa ñewat mina ngir sanni jamra yi bu ngeen sanne jamra yi ñew ci kaaba gi safa ak daf tour bi 7 fois safa ak marwa 7 fois après bo paré fofu da ngay delu mina bo fa delo moy ñetti jours yi top ci jouru tabaski ñetti jours yoyu mina nga koy passé fofu nak dang fay sanni tamit ay xéer comme ni nga defoon sauf que fofu da ngay def 7 waaw jour bu nek nonu la jour bu nek nonu ngay def ba 3 jours yi mat boudé ko xamné nak dafa yakamti ngir mana pour mana téla libérer wala mom biyem dafa ki won 12e jour bi la ki won mom man nayem ci 2e jour après jouru tabaski bi muy 10e jour bi après bo paré bala mo ñibbi nak ta moy dernier acte bi mi mi poser moy day ñëwaat ci kaaba gi taggu moy bu ñëwé ni mi defaat moy nam defoon wër kaaba gi julli ñaari rak awa après mu jël avion wala auto wala mo xam mu ñibbi lolu ci gattal lolu moy lolu moy jëf yi est ce clair na xawna ki ya wala ah en tout cas pour résumer moy li la bo ñëwé ci miqat bi moy période de sacralisation moment de sacralisation fofu non pas période mais ben li la bo accès fofu tu es obligé dañuy def résumer moy acte yi nga wara poser fa nga yéné soit damay acc kessé wala damay umra ba paré acc wala damay bolé umra ak acc ben ci yoy lay tan buma ci tan baxna buma paré ma dem moy damay changer nak yéré yi ma solom façon yéré yi ay jina ki ay ki boudé gor da koy changer sol yéré armal ta tamit du tak lo xamné day wër yaramam comme ay jean xam nga jean boko solé sa tanki ni da ko ki wala amna montre tamit yoy do len tak wala nga jël sa maxtumbe budé ben talibé mouride nga maxtumbe yoy ñuy tak sen ki do ko def yor sa kurus tamit wék sa bat di kalaawu kala di dang koy dindi li ci goor lañuy wax waxuñ jigen moy né kenn du fa kalaawu tak sa bop moy da ngay takke sa bop moy ko xamne dafa febaru bop bo xamne il faut mu tak bop ta bu ko takke après mom day fidia legui ta bo duggé tamit ci ihram bi boko xasse def manato di wat moy bo xasse armal mom mano ñew wala nga dem ba makka lam ak ben way doon wax nan waja da joggé na le mom ñu armal ba paré mu dem makka rek su miyéré armal yépp tek sol ko sama giwom di laj ataya ko am la né sol ay affaiream comme si ñu won kërëm moy né par exemple yoy goor du ko def du sol tamit yéré yo xamné dañ ko ñaw wala yéré bo xamné day wër ndomba moy day fermelu yaram bi comme ay monde bag nak ci ngiru imam malik rahmatullah alayh mom dañ ne dafa am ñaari wax ñen ñi dañ ne non même lolu doko sol am ñu ne non bag graw mais dal li gina wour moy nga baye ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal ndax lolu hadith abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhu dafa am ku ko laaj yaronte sallallahu alayhi wasallam biñi ben ci version yi que ne medina la won ci jakam ja lata muy genn ñuy waji aji am ku ko laaj ne ko lan la ki armal wara sol neewuko li lay sol da ko tuddal yi nga xamne waru ko sol ndax interdiction yi il suffi nga xam len li ci dess lepp kon man nga ko def muna du sol ay sirwal comme di sol yo xamne day dang koy tak ce ki bi do sol tamit ay ceinture du sol ay jean dedet du sol tamit nit ki du sol ay gants du sol ay kawas lulul amul yene amul ay dal lulul ay kawas la yor ta bu boba da len di dag ci côté ki bi moy dajor bi ci soufam da koy dag fofu la koy dag ci ka bobu la mana sol kawas sino du ko sol ay sandal lay sol ay tarax yu mel lool lay sol mais du sol chaussure bo xamne lay fermer tank bi ta tamit limi sol moy izar day am lo xamne da koy terax la yo dakoy terax ki goor lañuy wax de waxu jigen day terax la yo affaire bi après ci kaw mu am lum ci gallu non tek ko ngir mur tamit ay awra lolu moy goor ci gattal jigen nak mom lu ko neex sol amul ñu nan il faut mu noir dedet lolu mom ndax amna yenn xalat yenn deuk arab yi dañoo japp lolu mais du lolu de lol ñi xamul ñokoy wax da ngay gis ñu am yu ñuul wa non waaw ku mu ne lu la neex sol digeen lu ko neex sol ba mu dess moy kanamam ñi niqab par exemple ñi sol burqa ñom dañ koy dindi burqa mom mom do ko sol dañ koy dindi sauf bouré dafa am ño xamne comme ay waaw il faut sa visage ñi koy gis ci miru imam malik rahmatullah ñom dañ na loxoy tamit ci la man na feñ tanki nak du feñ da ngay solé chaussette quoi voilà moy dal du feñ légui ki bi nu mu tuddati burqa bi wala loy def sa kanam sa xar kanam budé jigen lolu tamit du ko def ludul budé da gis ay ño xamné étranger lañ ay goor ñu étranger ño xamné après mu ragal comme que peut-être mu japp né mom jigen go xamné la man na fitnal nit ñi ndax xeyna yalla may na ko tar ko mu ko nexé mu waccé pour lolu mais sinon amul da koy dindi jigen lolu la légui kon ñu ngi ron li sax li ñu ci duggal ci yon ci après la won mais dañ doon résumer li ñu wax sank moy ci armal bi nonu lay démé ak sangu bi dama ko faté won sangu set lata ngay armal ak julli ñaari rak wala ngay armal waaw après wala mu ngo nga dem bo démé ah lu am solo lu mëna rona faté moy ci armal bi boko defé labbayka allahumma talbiya ngay def bo paré ba armal légui mom ngay continuer dang koy wax affaire bob dang koy wax diko wax diko wax ba jour amna ñu né jour arafat lay yem am ñu né nono ba jour bi ñi sanni jamra ta lool mo gëna deugël inshallah moy jour bi jamra farata bi moy ci 10e jour bi voilà surtout nak mais waxuñ la né par force dang koy wax à sa suné ndax lolu nit ki duko man mais boudé day yék ñu mo xam dañuy yor auto wala ki mu am ay ki ñu wara yék lu xawa kawé wala di wacc yoy tamit sopp nañ ci fofu nonu jamono yoy nga koy wax liñuy bañ dal moy nga tok dir bu yagg waxo légui kon lab ndax affaire bi labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la sharika lak wa inshallah lolou ngay wax lolou moy talbiya moy lolou nit ki di wax ba dugg ci kaaba gi kon gis nga bu ñewé kon bu paré bu défé lol sol yéré armalam ak yépp après ba dem ci kaaba gi comme wër nit ñu waxé nonu commencer fi pierre noir nek wër 7 tours 3 yi mu xawa waxu waxu bu gaaw yi ci dess mu dox 4 yi julli ñaari rak maqam ibrahim station d'abraham après manna bu bare fof mu daw safa ak marwa bu fa joggé mu dem fele mina moy ci 8e jour bu fa deme julli tisbar ak takusan après fa lay fanan bu julle fajar ba pare ba naaj bi jog ñu dem arafat bu deme arafat bu guddi joté moy timis du ko julli arafat mais arafat nak da fay taxaw di ñaan di waxtu bu fofu mom yaronte bi sa sam neena al hajj arafa ak mom arafa motax kum wo raw dewen ta ken dou la ne comme ko raw na la li ci dess bayil mu daanu da ngay continuer quand même mais da ngay réparer sa ajji nga yakol legui bo joge fof muzdalifa kon ngay dem arafat muzdalifa fa ngay fanan fa ngay julle ge ak timis ak ge dang len di bolé ci heureu ge bu ngeen paré fajar bu ngeen ko julé ci masharul haram moy montagne bobu non nek muzdalifa bu ngeen julé da ngeen di taxaw ñaan après ngeen joggé fa bu na bi génné ngeen joggé fa dem sanni ji jamra yi mina set yi bu ngeen ko defé après ngeen dem ci kaaba gi kaaba gi nga wër comme wër biñ la waxone julli mais bobu nak moy farata bi ñaari rak après daw safa ak marwa après la tag bi nga ñëwé bi nga sané jam ray bu amé lo wara ray fofu nga koy rendé amé lo wara rendi fofu fofu après fofu man nga watu ay watu wala nga wañi après kele nga dem ci kaaba gi kon woor liñ wax def ñaari rakka yoyu daw safa ak marwa bu ngeen fa joggé mina ngeen di dem 3 jours yi dess wala ku yakamti 2 jours mais ki def 2 jours wala ndax ki def 2 jours mom da am tamit lo xamanteni mom la wara def inshallah dinañ ko gis bi ni ñew 6 heures le donna wala benen bi nañ baye bi di ñew ndax dama bëggoon duggu ci yi nga xamne ci ihram bi moy ci ponk yi mais pour gatal dañuy wax pilier ñaata la bi di ñew ñu commencer ndax tay li ñu def ni moy ajgi ak ti nga xamne ci biir lu ñu wax ni ci la ponk yi nek ci la obligation yi nga xamne ay obligation la ci la nek sunna yi tamit ci la nek yi ñu sopp tamit ci biir yoy ci la nek legi lol moy aji umra bi nak defi umra c'est facile mom ñenti affaire la ndax waxon nañ la du aji rek umra moy nit ko xamne comme dama ne man damay dem ci koor gi aji umra gi wala ki ne damay umra ba pare aji ki yene umra d'abord après aji ko umra c'est moy medine lañ koy defé wala non c'est makka aussi aji ak umra medina bokul ah bokku ci way ah way medine bokku ci dara motax dina ñew ci yene bi ah même umra bi c'est à la mecque medina man nga dem aji ba ñew umra ji ba ñew do jaar medina ah way dafa gënul nak ndax ñew ba fofu ziaré ji wo yaron nabi sallallahu alayhi wasallam c'est sûr way way lola mais bokku mom medina bokul nit man na joge fi dem aji ba def lepp umra ba ki man nga dama don wax ne boy dem quand on dit umra peut-être don dem à la mecque quoi c'est à umra moy ziaré kaaba ah moy ziaré kaaba c'est ça voilà ah umra moy ziaré la la ziaré kaaba gi bëgg diko du ndax yalla dafa farata wala dama fogon moy dem ziaré yonent bi deul lolu nak lu am solo la motax yene bi am solo buñ ci ñëwé lañ ko ndax kuy dem yene ne mom yonent bi sallam lay ziaré xam nga koku yeneewul kon waaw kok yeneem baaxul koku adjam man na yaq ndax koku yeneem ndax miri ci yene la adju ta koku limi yene dul adju koku xam nga ne kon koku day dem fofu di def ay gymnastique bu may wul motax mu am solo parce que non la de la realite mom non la kanta nak legui yalla la yo mais lool la de moy ne ku ñew motax gaay dañ nan maagi dem makka ziyari nabi xam nga lool mom day aji nit kuy aji ñew di tago nan maagi dem pengu ziyare ji nabi ko lool la yene budé lool la yene xam nga ko yene wul koku nan nga bëgg waxé né ki ajna way c'est sûr way motax affaire yi motax mbir yi bala nga dem nga war ko xam ndax boko xamul yow premièrement sa yene day yapp mu ngi melni imagine la ñew ci julli ko xamne day dafa ñew tisbar jot mu gis nit ñi julli mu ñew rek kabar après ñu julli ba paré ñu ne ko yow lo doon julli mu ne no man dama doon nafila wala xawma wala dama doon nafila koku xam nga jul dañ ko dañ nan ko jullil tisbar comme bu day dindi nga legi mais julli wa tax yene wul won lool c'est bien la montre là maintenant day no de ah waaw si waaw yeah be minuit waaw dafa ki de minuit 1 minute xawma c'est ça ouais ah non la xam nga mbir mi c'est juste moy né comme que hiver bi la doon neex waaw lolou la de way yalla mom ay mbirum dafa juste modax lolou la inshallah bi di ñew comme que tay kon umra bi inshallah pour ñu wax ko après nga xamné umra moy kuy umra ji li ngay def moy ne da ngay bo ñu ci miqat bi moy fofu non fiñ la wax après dinañ définir miqat yi fan ak fan ku joggé fan la wara commencer ban lieu ak lieu yi non inshallah moy bu ñëwé fofu kuy umra da ngay armal lol moy bu ñëkke bi bo armalé comme niñu lol moy ciu umrah yi jëf yi nga wara yi nga xamné lol moy ponku umrah yi ngay def da ngay armal wër kaaba bi après nga daw safa ak marwa wër kaaba gi daw safa ak marwa après nga wañu sa karaw wala nga watu bu re da am loy ray wala da nga wara ray nga ray c'est fini lol moy umrah jeexna waa lol rek moy umrah legui inshallah bi di ñew ñu dugg ci pilier bi legui moy kon ni wax nañ ci gattal wax nañ ak gi yeb ak acti nga wara def fi nga yane beurep la bo setlo mi qat bi lañ wax moy dinañ définir fan la makka mina arafat muzdalifa 5 bo setlo 5 yoyu imam lañ fi tuddu sank ba legui moy fi ngay armalé fi ngay dugg ci moment de sacralisation bi ak makka moy kaaba gi ak nu mu tuddu minan ak muzdalifa ak arafat lool la legui wallahu xamna ñi yëm fofu bo bi di ñew inshallah semaine prochaine wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin